Yeah. Il faut qu'on se barre avant d'être naze. Rendez-vous sur le tiers. Viens, je m'en fous tout, on va du moment qu'on va quelque part. Loin, ici on a tout pour être barre. Je veux être bien dans mes pompes. Je m'en fous que ça soit les toutes nouvelles Nike, l'ami. J'ai rarement été ce type qui fait la cour. Maintenant je veux partir avec elle. Alors qu'hier je critiquais l'amour. Me plaindre, c'est plus la peine, ma vie. Je veux pas me casser le doigt à la gagner. Mais vivre mes rêves et repenser que j'aurais pu la perdre. Et tu l'as peut-être remarqué. Je suis ce type proche de l'enfance. Et comme un sourd muet, je veux juste vivre comme je l'entends. Bah oui. Tu m'as compris, j'avance mais j'écoute personne. J'suis pas ce mec du bitume même si j'ai goûté le sol. Ah ça me dégoûte, j'ai le seum. Soulé comme quand je rentre ivre. Le monde se dépêche pour l'argent mais personne prend le temps de vivre. Bourré dans le centre-ville avec mes rouges, fous le sou. Paradoxalement, y'a que la nuit que j'vis au jour le jour. Naïf, là non j'mens. J'me suis calmé sur la tise, l'espoir m'enrichit. Même fauché, ça sera jamais plus la crise. Car franchement, j'en ai marre d'être ce fils-là. Trop mort que la veille, mes conneries payeront pas ma bête de vie là. Au bord de la mer. Et j'ai plus temps de jouer les petites Kaira qui sapent. Oui, je m'arrache écrire mon album sur une île paradisiaque. Mais sans elle, je ferais pas un pas de plus. Là, mon roi aveugle, pourtant son amour m'a ouvert les yeux sur un tas de trucs. Bah ouais, on veut une femme, mais plus n'importe laquelle. Je m'imagine pas dire à ma fille ta mère, plus d'un pote la tienne. C'est triste, mais c'est comme as. Pendant qu'ils feraient tout pour leur plaire, moi je voudrais gifler ces connasses. Donc, donne ta main. Là, en gros, je t'invite. En espérant qu'il n'y aura pas de contrôleur dans notre train de vie, chaque nuit. Je rêve d'évasion, mais j'écris ce texte sur le canapé. Ce titre est personnel que j'aurais peut-être dû ne pas attraper. Viens, faut qu'on se parle. Tu me manques, on va quelque part. Tout le monde se dépêche pour l'argent. Mais personne prend le temps de vivre. Chaque nuit. Je rêve d'évasion, mais j'écris ce texte sur le canapé. Chaque nuit. Je rêve d'évasion, mais j'écris ce texte sur le canapé. Devenir cinglé, pas la peine. J'ai soif de réussite, mais dans le fond je m'en fous. Moi je veux juste trinquer à la tienne. Bien que je n'aie pas la haine. Je rêve d'évasion autant que ce mec encore en vie. Qui voulait se flinguer le crâne avec sa mère. Ça laisse un tas de gens perplexes. J'en peux plus, je vais craquer. Y'a rien de marrant, laisse bête. Je serais bien qu'en partant de cette terre. Du coup, pour m'évader, j'hésite entre le billet d'avion ou la balle en pleine tête. Et même mes parents s'énervent. J'ai des proches, un tas de gens qui se fâchent. Avant que je décroche la lune, faudrait que je décroche un apprentissage. Aïe, aïe, aïe. Putain, j'ai tant fait le con. Ma musique m'apporte pas de réponse. Laisse-moi me remettre en question. Et puis merde, avec la gloire, je passe sympathiser. Non, mais sans blague, y'a qu'incinéré. Tu me verras bien habillé, flambé en boîte. Et mon mal est d'entrée, je t'en parle. Ma tête dans cet engrenage, c'est en jeune âge. Dans mes cauchemars, j'ai pas diplômé, je prends de l'âge. Oui, c'est hoche, n'est-ce pas? Que mon foot, si j'atteins pas mon but, c'est que j'ai perdu la boule après une mauvaise passe. Pour ça que je me barrais loin. En restant là, j'ai l'impression de rouler à plus de 200 à contresens, les phares éteints. L'impression de foncer dans le tas. Gros, je vais sombrer dans le mal. Venir complètement barge. Ici, c'est triste et je merde. Je vois que des consanguins. Hier, ils étaient tes frères. Là, ils veulent sneaker leur mère. Et puis, je vais te déraper, frérot. Ils parlent de vin dans le monde. Même mettre des photos de ce qu'ils mangent sur Facebook pour faire baver les autres. Ça fait que se dégrader, c'est chaud. C'est l'enfer. Ah, c'est chaud. Mais en vrai, c'est pas la zère, mec, sois pas naïf. Je vais pas faire le capricieux qui veut la vie de rêve. Quand beaucoup rêveraient d'avoir ma vie, t'sais. Je rêve d'évasion, mais j'écris ce texte sur le canapé. Ce titre est personnel. Qu'il aurait peut-être dû ne pas trapper. L'impression de foncer dans le tas. Gros, je vais sombrer dans le mal. Devenir cinglé, pas la peine. Je veux juste trinquer à la tienne. Chaque nuit, je rêve d'évasion, mais j'écris ce texte sur le canapé. Chaque nuit, je rêve d'évasion, mais j'écris.